إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشغر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous avions évoqué précédemment les exactions des associâtres sur les plus faibles d'entre les croyants. Certains d'entre eux sont même morts à la suite de ces supplices et de ces châtiments. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut aussi victime à moindre degré de cela. Nous avions déjà évoqué le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut insulté lorsque la sourate 111 fut révélée, sourate Abi Lahab. La borgne Umm Jamil, l'épouse de Abi Lahab, la fille de Harb, se présentant en criant à la manière des femmes de l'époque pré-islamique, une pierre à la main, elle dit « Mudhammaman abayna wa dinahu qalayna wa amrahu asayna » L'avili, nous l'avons rejeté. Elle voulait signifier par l'avili le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle l'a appelé « Mudhammam » qui est le contraire de « Muhammad ». Mohammed veut dire celui qui est loué pour ses mérites, pour ses qualités. Al-Mudhammam, c'est celui qui est avili. Elle a dit donc, l'avili, nous avons rejeté. Sa religion, nous l'avons délaissée, son ordre, nous l'avons contredit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est réjoui de cela. Car lorsque Umm Jamil a prononcé cette parole, elle fut reprise par bon nombre de Quraishites qui commençait à appeler et à surnommer le prophète Mudhammam et à l'insulter en utilisant ce nom. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'êtes-vous pas surpris de voir comment Allah détourne de moi les injures des Quraysh et leurs malédictions? Ils insultent un homme digne de mépris. Ils maudissent un homme digne de mépris. Or, je suis Muhammad, c'est-à-dire un homme digne d'éloge. C'est-à-dire qu'en réalité, Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que toutes ces invectives, toutes ces insultes, toutes ces railleries ne touchent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et même le nom de Mohammed n'est pas mentionné dans leurs insultes, mais ils mentionnent un homme qui s'appelle Mudhammam. Donc le prophète a été épargné de tout cela et il s'en est réjoui sallallahu alayhi wa sallam. Cela est comparable à notre époque où certains insultent Mahomet. Laissez-les donc insulter Mahomet si bon leur semble. Mais Mahomet, ce n'est pas notre prophète. Notre prophète, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez comment Allah, tabaraka wa ta'ala, détourne les injures de ces gens-là et leurs caricatures et préserve la personne de notre prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Umayyah ibn Khalaf, un des chefs de Quraysh, chaque fois qu'il croisait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'insultait ouvertement. Il lui faisait des signes de l'œil. Allah révéla à son sujet la sourate suivante. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. Malheur à tout calomniateur diffamateur qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera certes jeté dans la Hotama. Et qui te dira ce qu'est la Hotama? Le feu attisé d'Allah qui monte jusqu'au cœur, il se refermera sur eux en colonnes de flammes étendues. Akhnas ibn Shariq al-Thaqafi, qui jouissait d'une certaine notoriété et autorité à Mecca, harcelait les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam assez souvent. Allah l'a décrit dans le Coran par 9 caractéristiques. قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. N'oublie pas celui qui ne cesse de jurer et qui est méprisable, qui ne cesse de s'adonner à la médisance et au colportage de calomnies, de se montrer avare de ses biens, de s'adonner à la transgression envers les hommes et au péché, qui est rustre et de surcroît connu pour être mauvais. Certains ont dit aussi Zanim, celui dont la lignée est douteuse. La sourate 68, les versets 10 à 13. Tout cela, Al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzoumi, Al-Aswad ibn Abd Yaghouth al-Zuhri, Abu Zam'at al-Aswad ibn Abd al-Muttalib al-Asadi, Al-Harith ibn Qays al-Khuza'i, Al-As ibn Wa'il al-Sahmi, Am ibn Hisham al-Makhzoumi, Abu Jahl, Akhnas ibn Shariq al-Thaqafi, Abu Lahab al-Hashimi, Umayyat ibn Khalaf et son frère Ubayyat ibn Khalaf al-Jumahi, Aqba ibn Abi Mu'it al-Umawi al-Abshami et d'autres. Tous ceux-là ont joué un grand rôle dans les persécutions et l'oppression sur les musulmans durant cette période. Et notamment, il y avait parmi eux ceux qui se raillaient et ceux qui se moquaient de manière constante du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Des insultes, des dénigrements, du parasitage. Tout cela dans le but de faire plier le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et d'affaiblir son moral, ainsi que celui des musulmans, et d'endiguer la propagation de sa religion. Mais leur stratagème n'avait pas beaucoup d'effet sur la détermination du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et donc, ils commencèrent à s'en prendre à lui physiquement. Abdullah ibn Mas'ud nous raconte ce qui suit, et dont il fut témoin. Pendant que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faisait la prière dans la mosquée sacrée, proche de la Kaaba, et que le groupe de Quraïchites tenait une de ces réunions, l'un des Quraïchites se mit à dire « Voyez donc l'ostentation de cet homme, il désignait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est celui d'entre vous qui voudra aller à l'abattoir des Bani Intel et y prendre des tripes, du sang et des membranes de fœtus, les apporter ici et ensuite attendre que cet homme se prosterne pour lui mettre le tout sur ses épaules ?» Le plus misérable d'entre eux se décida à le faire et au moment où l'envoyé d'Allah se prosterna, il lui déposa ses débris sur les épaules. Comme le prophète était prosterné, sallallahu alayhi wa sallam, les Quraïchites se mirent à rire au point qu'ils se cognaient les uns contre les autres à force de rire. Quelqu'un alla aussitôt prévenir Fatima, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était alors une toute jeune fille. Elle arriva en courant et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, resta prosterné jusqu'au moment où elle le débarrassa de ses immondices. Cela fait, elle se tourna vers les Quraïchites et les invectiva. Quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam eut terminé sa prière, il s'écria « Ô Allah, occupe-toi des Quraïchites. Ô Allah, occupe-toi des Quraïchites. Ô Allah, occupe-toi des Quraïchites. » Ensuite, il en désigna nominativement quelques-uns et dit « Ô Allah, occupe-toi de Amr ibn Hisham, qui est Abu Jahl. Occupe-toi de Utba ibn Rabi'a, de Shayba ibn Rabi'a, de Walid ibn Utba, de Umayyat ibn Khalaf, et de Uqba ibn Abi Mu'it et de Umar ibn Walid. » Abdullah ibn Mas'ud ajoute « J'ai vu tous ces gens-là étendus morts le jour de la bataille de Badr. On traîna leur corps jusqu'au puits dit de Qarib, de Badr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Poursuis de ta malédiction les hommes du puits. » Ce hadith, vous pouvez le retrouver dans le Sahih de l'imam al-Bukhari sous le numéro 520. Celui qui posa ses immondices sur les épaules du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut Uqba ibn Abi Mu'it al-Abshami, qui est le cousin germain de Uthman ibn Affan. Il s'approche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui l'incita fortement à faire cela fut Abu Jahl, Am ibn Hisham al-Makhzoumi. Il est à noter que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas invoqué contre eux pour le fait de cet incident, mais bien pour leur démenti de la vérité, leur refus de se soumettre et de croire, et aussi leur obstruction au chemin de la foi et de l'islam. Comme lorsqu'il invoqua contre eux, lorsqu'ils le démentirent, et lui rendirent les choses compliquées. De même, Pour cela, l'imam al-Bukhari rapporte sur le numéro 1007, d'après Masruq, qui a dit « Nous étions auprès de Abdurrah ibn Mas'ud lorsque celui-ci nous parla en ces termes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voyant certains gens lui tourner le dos, s'écria « Ô Allah, aide-moi contre eux par 7 années de disette, comme les 7 années de Youssouf, alayhi salam. » Aussitôt commença une sécheresse qui détruisit tout au point qu'on dut manger des peaux, des cadavres et des charognes. Chacun regardait le ciel, croyant voir quelques vapeurs et quelques fumées, tant il souffrait de la faim. Abu Sofiane vient trouver le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, « Mohammed, tu ordonnes d'être soumis à Allah et bon envers ses parents, or les tiens sont sur le point de périr. Invoque donc Allah en leur faveur. » Cela a duré presque un an dans cette situation, jusqu'à ce qu'Abu Sofiane décida, alors qu'il était encore mécréant, d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui demander qu'il implore Allah de lever ce châtiment. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin ila qawlihi a'iduna yawma nabtishul batshat al-kubra. Mais ces gens-là dont le doute s'amuse, eh bien attends le jour où le ciel apportera une fumée visible et claire qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car à présent nous croyons. D'où leur vient cette prise de conscience, alors qu'un messager explicite leur est déjà venu. Puis ils s'en détournèrent en disant, c'est un homme instruit par d'autres, un possédé. Nous dissiperons le châtiment pour peu de temps, car vous récidiverez le jour où nous userons de la plus grande violence et nous nous vengerons. À Sourate 44, c'est des versets 9 à 15. Abdullah ibn Mas'ud de continuer de dire, or la rigueur a eu lieu le jour de Badr. Al-Batshatul Kubra a eu lieu le jour de Badr. Et la fumée, la rigueur et le châtiment inéluctable signalés dans la fin de la sourate 25, Al-Lizam, se sont réalisés tout comme la prédiction du verset 1 de la sourate Ar-Rum, c'est-à-dire la victoire des Romains sur les Perses. Donc ici, Abdullah ibn Mas'ud nous explique que ce verset coranique est descendu pour cette occasion. Certains, parmi les commentateurs du Coran, disent que Ad-Dukhan ici est un des signes de la fin du temps. Il n'y a pas de contradiction à dire que, en plus du fait que ce soit un des signes de la fin du temps, comme cela a été rapporté dans le Sahih de l'imam muslim, il n'y a pas d'objection aussi à considérer que cette fumée est réellement apparue chez les habitants de la Mecque dû à cette année de disette où ils étaient obligés de manger des cadavres, des peaux et autres choses qu'ils avaient sous la main, et cela pendant une année durant. Lorsque Abu Sofiane demanda au messager d'invoquer Allah pour lever ce châtiment, le messager sallallahu alayhi wa sallam s'exécuta, espérant ainsi un repentir sincère de leur part. Mais ils persistèrent dans leur mécréance et oublièrent ce qu'a rapporté le Coran de leurs propos: Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car à présent nous croyons. Les préjudices subis par le messager sallallahu alayhi wa sallam étaient souvent liés au fait qu'il prie dans la mosquée sacrée, où il rencontre des gens dans une optique de dawa, d'orientation et de conseil. Mais lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam supportait leurs préjudices et qu'il n'entravait pas sa prédication, il n'invoquait pas contre eux. Il est même établi que le messager sallallahu alayhi wa sallam invoquait parfois en leur faveur. Et ceci dénote de la patience dont faisait preuve le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa prédication. Les associatres voulaient absolument fermer cette porte et ne pas laisser au messager sallallahu alayhi wa sallam l'occasion de prêcher l'islam dans l'enceinte sacrée. Au fil des jours, les persécutions s'intensifièrent. Abu Jahl, un jour, dit à ses co-religionnaires: est-ce que Mohammed pose son visage contre terre parmi vous? C'est-à-dire, est-ce qu'il prie devant vous? On répondit que oui. Il reprit en disant: « Par Allah ou Al-Uzza, si je le vois faire cela, je piétinerai son cou et j'appuierai son visage contre terre. » Il vint trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors que ce dernier était en prière. Il prétendit lui piétiner le cou. Dès qu'il s'approcha de lui, il recula et se protégea de ses mains. On lui demanda: « Qu'as-tu? Que t'arrive-t-il? » Il répondit: « Il y avait entre moi et lui une fosse remplie de feu, des horreurs et des êtres avec des ailes. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: « S'il s'était approché davantage, les anges l'auraient démembré. Allah révéla à cette occasion, « Kalla, inna l'insana la yatara, arra'ahu starna, inna ila rabbika ruja. Ara'aita alladhi yanha abdan idha salla, ara'aita in kana ala l'huda au amara bit taqwa, ara'aita in kazzaba wa tawalla, alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla, la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. » ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de célébrer la prière? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Qu'il appelle donc son assemblée. Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Bien sûr, dans la version de l'imam muslim, le verset s'arrête à « Non, ne lui obéis pas ». Allah Ta'ala a préservé son messager Allah sallallahu alayhi wa sallam de ces gens-là. Inna kafayna kal mustahzi'in. Nous te prémunissons contre les railleurs. Et aussi, Allah dit Ta'ala, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah te préserve des gens. Le prophète est sous la protection d'Allah Ta'ala. Mais cela nous montre qu'ils ont essayé. Et on verra que plus tard, et c'est ce qui provoquera l'immigration du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. Ils ont essayé de le tuer. Urwa ibn Zubayr questionna Abdullah ibn Amr ibn al-As sur la chose la plus dure que les associatres firent subir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit, pendant que le messager d'Allah faisait sa prière dans la cour de la Kaaba, Uqba ibn Abi Mu'id s'avança brusquement, prit le messager d'Allah par l'épaule, lui enroula une étoffe autour du cou et l'étrangla fortement. Abu Bakr s'avança alors, prit Uqba par l'épaule et le repoussa loin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ataqtuluna rajulan an yakula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. » Allez-vous tuer un homme parce qu'il proclame « Mon Seigneur est Allah » Il est certes venu à vous muni de preuves de la part de votre Seigneur. Sourate 40 verset 28. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 4815. Il faut savoir que les violences physiques que nous avons mentionnées ici, pour certaines, sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, étaient des faits isolés et ne constituaient pas la norme le concernant. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jouissait d'une protection de son oncle Abu Talib, et cela venait freiner les velléités des Quraysh de tout châtiment ou préjudice sur la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La plupart du temps, ils essaieront de se moquer de lui, ils essaieront de le rabaisser, de saper son moral, comme ils essaieront aussi de négocier avec lui ou avec son oncle. C'est ce que nous verrons, inshallah tabaraka wa ta'ala, dans le prochain cours. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala, niwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardahu. ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.